La journée doit être bonne pour les cabaretiers. On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes. Tout pliait de spectateurs. Des marchands de sang humain criaient à tue-tête. « Qui veut des places ?» Une rage m'a pris contre ce peuple. J'ai eu envie de leur crier. « Qui veut la mienne ?» Cependant, la charrette avançait. Vers le milieu du pont au change, j'ai pris le crucifié et je l'ai baisé. Ayez pitié de moi, et je dis « Oh mon Dieu !» Et j'ai tâché de m'abîmer dans cette pensée. Au détour du pont, des femmes m'ont plaint d'être si jeune. Nous avons pris le fatal quai. Ces spectateurs avides et cruels, cette foule, tous me connaissent ou je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. J'étais ivre, stupide, insensé. C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur vous.